T'es enfin sorti de prison, apparemment t'as rien compris. T'as pas retenu la leçon, tu n'écoutes même pas ce que l'État te dit. Tu veux que quelqu'un paie pour tes 5 ans. Avec tes potes, tes petites racailles, tu veux déjà casser du flic. T'es prêt à fondre dans la bataille, mais tout ce que tes potes veulent voir, c'est ta technique. Les flics n'ont rien à faire dans ta cité. La société, elle a bon dos, elle ne prendra pas tout sur elle. C'est vrai qu'elle créera des ghettos en 60 ans, mettant des familles dans des poubelles. Mais ça, tu pourras rien faire pour le changer. Ce soir tu finiras au poste. Comme d'habitude t'auras rien fait. Le sang sur ton polo Lacoste, il vient d'aussi, c'est pas du mec que t'as saigné. Tu diras au juge que c'est lui qui a commencé. Sois sûr, le juge pensera. Je veux plus entendre tous tes mensonges, ceux que tu balances d'une voix bien douce. Je préfère encore ton arrogance, même si chaque fois ça me fout la frousse. Tu ne prendras plus le juge pour un idiot. Pense à ta mère, elle qu'en a marre. Déjà qu'elle vit dans un taudis, prétend que t'es son pire cauchemar, et déjà honteuse de penser ce qu'elle a dit. Tu es son fils et ça, elle ne l'oubliera pas. Ça, elle n'oubliera pas. Bien sûr, une enfance malheureuse, un environnement hostile, une pensée toujours envieuse. Mais pour un mec comme moi, tu crois que c'est facile. Il faut aussi supporter tous les préjugés. On est toujours entre nous, condamnés à vivre ensemble. Y'a de quoi devenir fou, surtout quand on voit à quel point on dérange. Il suffit de voir les regards dans le métro. Et y'a ces filles belles comme l'amour que tu regardes en rêvant. T'es même certain qu'un de ces jours, mais ce jour-là, il te faudra plus que du talent. Ce jour-là, il te faudra changer de peau.